Quand les jours qui nous séparent, rendez-vous sur le grand boulevard, à l'ombre sous le vieux platane, où j'ai gravé nos initiales. Laisse là-bas toutes tes histoires, tes tablatures et tes miroirs, toutes les censures de notre histoire qui me rappellent encore parfois l'époque de toutes nos libertés qu'on n'a pas su bien protéger, l'alliance qu'on a failli aimer restera là dans le passé, avec pour seul l'amour donné les faux semblants, notre amitié. Mais compte les jours qui nous séparent, ils n'ont pour nous aucun message. Le compte à rebours a commencé sans que l'on puisse se retourner vers ce passé abandonné qui m'a pourtant toujours donné la force de tout imaginer, que t'as laissé s'évaporer.